à vous, chers auditeurs de Radio Isanganiro, et bienvenue à l'écoute de ce journal du 3 novembre. Mais vous voudrez bien nous excuser de ce petit retard. Voici les grands titres. Deux membres de la coalition Amizero y'Abarundi du quartier Mugobo en zone urbaine de Rohero sont en casse depuis ce jeudi, indique Bernard Niyonkuru, élu en député, élu dans la circonscription de la mairie de Bujumbura. Plus de 4500 agriculteurs de la province Ngozi bénéficient de la fumure organique afin de doubler la production sur chaque pied de café. C'est selon la Fédération des caféiculteurs de cette province du nord du Burundi. Et plus de 400 000 personnes sont attendues en province Chibitoke, c'est à l'ouest du Burundi, pour le traitement de l'oncocercose, et 300 000 autres vont avoir de l'albendazole durant la 13e campagne de traitement de l'oncocercose. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Jean de Dieu Ndaïsenga, à la présentation Mirai Kanyange. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page sécurité pour débuter ce journal. De jeunes membres des indépendants à Amizero y'Abarundi résidant au quartier Mugobo en zone Rohero de la commune urbaine de Mukaza se sont tracés depuis ce jeudi, indique un député élu dans la circonscription de la mairie de Bujumbura. Claude Niyonkuru et Gapapa Sinarinzi ont été arrêtés ce jeudi lors des échauffourées entre les jeunes du parti CNDD-FDD et ceux de la coalition Amizero y'Abarundi. Ces premiers voulaient arrêter le représentant des jeunes affiliés à la coalition Amizero y'Abarundi à Mugoboka sans toutefois y parvenir. Le député Bernard Niyonkuru demande que ces jeunes soient libérés. Je vous prie de le suivre. Effectivement, à Mugoboka, hier soir, il y a eu des bagarres entre les jeunes du parti au pouvoir et les jeunes de la coalition Amizero y'Abarundi. Mais la source est que il y a un représentant des jeunes du parti au pouvoir qui s'appelle Pierre à la localité de Mugoboka qui a envoyé deux personnes pour l'arrêter, un certain Richard qui est parmi les élus locaux, les cinq premiers, mais lui c'est le troisième. C'était dans le but de l'arrêter. Mais puisqu'il se connaît entre eux, lui, il a compris qu'il voulait l'arrêter et lui, il a arrêté ses voisins pour arrêter ces gens. Alors, on les a arrêtés, les deux personnes. Ces deux personnes les a présentées au chef coordinateur qui, par après, les a interrogés, les a présentés à la police. Mais la police n'a pas voulu s'opérer dans cette affaire et les a relâchés. Soit disant qu'il faut s'entendre avec ces jeunes de la coalition Amizero y'Abarundi. Mais eux, après avoir parti, n'ont pas fait comme les policiers l'ont dit. Ils ont allé appeler d'autres jeunes, mais ressortissant de la zone Kamenge. Et après avoir retourné là à Mugoboka, ils ont tenté à arrêter encore une fois le soi-disant Richard. Et ils sont parvenus à l'arrêt. En le conduisant, ils ont passé au marché, au centre de négoce de Mugoboka, mais ils ont rencontré les amis de Richard qui ont réagi en jetant des pieds. Mais dans ces bagarres, ils ont parvenu à arrêter deux autres personnes qui, jusqu'au maintenant, nous ne savons pas là où on les a conduits. Vous pensez que cela a été dû à quoi? Franchement, je ne pourrais pas à mesure de vous répondre. Moi, je vois que c'est la malhonnêteté de certains gens, des jeunes des partis qui se conduisent mal. Eh bien, nous n'avons pas encore pu avoir la version de l'administration locale sur cette arrestation. Toujours en page sécurité, encore d'un homme non encore identifié a été trouvé le matin de ce vendredi dans un canal venant du lac Dogodogo à la colline Mharambo 2 de la commune Rugombo en province Chibitoke. Sur son corps, il se remarquait des traces de poignard. La police dans cette commune dit avoir commencé les enquêtes pour l'identification du corps et l'auteur de cette mort. Restons en province Chibitoke pour parler santé. Début ce vendredi de la 13e campagne de traitement des populations de ces provinces de l'ouest du Burundi contre l'oncocercose. Plus de 400 000 personnes sont attendues et plus de 300 000 autres vont bénéficier de l'albendazole. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. L'oncocercose, qui est classée parmi les maladies tropicales négligées, est transmise par une mouche appelée simili et qui vit sur les bords des rivières à courant rapide, comme le précisent les spécialistes dans ce domaine. dans cette province de Cibitoke, les similis se localisent surtout au niveau des rizières de Kagunuzi, Kaburanwa, Nyakagunda, Rua et autres. Et ce jeudi, les responsables du projet de lutte contre l'oncocercose ont tenu une réunion de mobilisation sensibilisation envers les responsables sanitaires, les autorités administratives et les représentants des confessions religieuses dans le but de mener ensemble les préparatifs de la 13e campagne de distribution du Mectizan contre l'oncocercose, mais aussi de l'albendazole contre les verminoses, comme l'a souligné Deonima, coordonnateur du projet de lutte contre cette maladie. La population cible pour l'oncocercose est de 486 000 personnes réparties sur toutes les collines de cette province de Cibitoke au nombre de 232, excepté les femmes enceintes, les femmes allaitant des enfants de moins d'une semaine et les enfants de moins de 5 ans. Pour l'albendazole, c'est toute la population à partir de 15 ans et plus, comme ça a été précisé au cours de cette réunion. Spécialiste Kavanyana en province de Cibitoke pour la radio Isanganiro. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Le directeur général de la régie des eaux encourage la population qui s'organise pour faire des rondes afin d'empêcher les vols du matériel de cette entreprise. C'est après qu'un homme accusé d'être voleur de câbles ait été attrapé au quartier Gasekewi en zone Moussaga. Chorboa Menzekovanyanga, directeur général de la régie des eaux, appelle les habitants des autres quartiers à protéger ce bien public. Il explique qu'une fois les câbles volés, c'est un manque d'électricité qui s'ensuit. Suivez-le. Ce n'est pas la première fois sur cette habitation. Il y a à peu près une année, nous sommes passés ici. J'ai constaté que les malfaiteurs ont fouillé sur cette clôture. J'ai réuni les habitants de ce quartier. Et je leur ai indiqué que la régie des eaux souffre en faisant des réparations chaque jour et les habitants de ce quartier, je les félicite beaucoup parce que ils se sont convenus de s'organiser et de payer ces veilleurs. Dans certains quartiers, par exemple à Mutangano, il y a un coin où on vole chaque jour dans une cabine de la régie des eaux et les gens disent que nous venons de passer deux jours, trois jours sans qu'on ait du courant. Alors quand en réalité la régie des eaux va réhabiliter et ce cas en tout cas de la population qui s'organise pour défendre les intérêts de la régie des eaux, les intérêts de l'État, c'est un cas à encourager. La peine que je lance aux autres habitants des autres quartiers, c'est de prendre les équipements de la régie des eaux comme leur propre équipement. Parce que si un malfaiteur s'introduit dans une cabine, ou fouille et pille en câble ou en équipement d'une cabine, il passe des journées sans avoir de l'électricité. Jéroboam Nzikobanyanga, directeur général de la régie des eaux, dont les propos ont été recueillis par Elie Nibel Nibigira. De nombreuses bouteilles en plastique d'eau et de jus s'observent dans la rivière Kinyahongue près de l'industrie Savono. C'est au quartier industriel. Et le chargé de marketing dans l'entreprise de Savonore demande de s'être ému aux autres services impliqués dans l'enlèvement de ces plastiques à 6 mètres afin que ces bouteilles ne se déversent pas dans le lac Tanganyika. Thierry Mfayekourir. Là où nous nous sommes rendus, précisément à la route de l'aéroport, non loin de l'endroit appelé Chanik, sur la rivière Kinyangongwe, nous y avons constaté des déchets plastiques faits de bouteilles plastiques d'eau et de jus, des emballages plastiques et bien d'autres déchets. En continuant un peu plus loin sur le boulevard d'Ouvira, tout près de l'usine de savon Savonore, on voit des déchets plastiques en une quantité importante qui flottent sur cette rivière, où même l'eau de cette rivière n'est plus visible, tellement ces déchets plastiques sont importants. À ce propos, le chargé de l'assurance qualité au Savonore, Djibril Ninghi, dit que ces déchets ne viennent pas de chez eux. Notre entreprise ronge la rivière Kinyangongue et beaucoup de fois nous sommes victimes des préjugés des gens parce que tous les déchets, toutes sortes d'eau pollution qui passent à travers cette rivière, les gens pensent que ça vient de Savonore. Or c'est faux, comme vous avez pu le constater vous-même. Tous ces tas de bouteilles usées qui flottent sur la rivière sont venus d'en amont de la rivière Kinyangongue. Ils demandent plutôt que les concernés par le problème environnemental à tous les niveaux fassent ce qu'ils doivent faire. Moi je voudrais juste interpréter interpeller les responsables, les institutions publiques chargées de la collecte et de la gestion de ces déchets de faire bien leurs tâches. Cela étant, les personnes qui assistent à ce déversement des déchets plastiques dans le lac Tanganyika disent que le lac est beaucoup affecté et que la flore et la faune aussi, sans ignorer la santé humaine, vu que ce lac est indispensable à notre pays. La population citadine est appelée à pratiquer des potagers urbains, qui est une méthode de culture des légumes et autres dans des pots de fleurs et dans des bouteilles en plastique, comme le dit Dora Karani, initiatrice du projet Bujumbura Zéro Déchet Ville Verte de l'entreprise Garden City du quartier Kabondo en mairie de Bujumbura. Cette entreprise a comme objectif la promotion des potagers urbains. Suivez Dora Karani, initiatrice de ce projet. Comme il n'y a pas de traçabilité dans les légumes qu'on consomme à Bujumbura, on suggère aux gens de créer des potagers urbains. C'est plus économique et puis c'est aussi une agriculture durable. Maintenant, il y a un problème des terres et puis les légumes ne sont plus cultivés seulement dans les champs. On peut les cultiver sur le toit, dans les vitrines, dans les livings, dans les cuisines, un peu partout. Et cela pour créer sa propre sécurité alimentaire. Quand vous avez un potager urbain, vous ne consommez pas de fuel pour aller chercher des légumes. Vous les produisez vous-même, chez vous. Par exemple, pour moi, pour faire un jus, j'utilise les épinards basil. Tu ne peux pas utiliser les épinards qui viennent du marché central, parce que tu ne connais pas s'il y a des pesticides, si on a arrosé avec de l'eau propre. C'est pratique et c'est vraiment économique. Et puis on a une autre suggestion, les gens qui veulent acheter des légumes organiques pourront venir chez nous et cueillir eux-mêmes les légumes. Aussi, on vend des plantes, des jeunes pousses de légumes, des salades, des herbes aromatiques et des plantes médicinales. Normalement, on fait aussi des champignons. Et quand on a fini la récolte, on utilise le substrat comme compost. Voilà, poursuivons ce journal à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Je vous l'avais annoncé en titre, plus de 4500 caféiculteurs de la province Ngozi bénéficient ces jours de la fumure organique pour fertiliser leurs plantations caféicoles. L'objectif de cette distribution est de doubler la production sur chaque pied de café, d'après la fédération Horelangukize des caféiculteurs de cette province. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Les bénéficiaires de cette fumure organique sont ceux ayant accepté le remplacement et le recyclage de leur plantation caféicole. Au nombre de 4 251 en province Ngozi, ils vont recevoir 5 387 m³, soit environ 5 millions de kilos en don du projet d'appui à la compétitivité du secteur CAF, selon le coordonnateur technique au sein de la fédération Horelangukize des caféiculteurs de la province Ngozi. Ce don d'engrais vise l'augmentation du rendement des parcelles de café, passant du simple au double. Rambert Nonzoubumwe indique que la production doit passer de 800 grammes de café cerise par pied à 1600 grammes. En ce moment où l'exiguïté des terres se fait sentir dans cette province, les caféiculteurs sont désormais autorisés à planter dans leurs champs de café des cultures dites intercalaires comme le haricot, le soja, amaranth et autres, ajoute cet ingénieur agronome de la fédération des caféiculteurs d'Ongoz. Il invite ces agriculteurs d'eau viennent mélanger cette fumure organique avec les engrais chimiques. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Tanganyika. Merci à Apollinaire Muzagara. Point final donc à ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Deux membres de la coalition Amizero y'Abarundi du quartier Mugoboka en zone urbaine de Rohero sont sans trace depuis ce jeudi, indique Bernard Nyonguru, un député élu dans la circonscription de la mairie de Bujumbura. Et plus de 4500 caféiculteurs, vous venez de l'entendre, de la province Ngozi bénéficient de la fumure organique afin de doubler la production sur chaque pied de café, selon la Fédération des caféiculteurs de cette province. Début ce vendredi de la campagne contre l'oncocercose en province Chivitoke, plus de 400 000 personnes sont attendues et 300 000 autres vont avoir de l'albendazole. Merci donc à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à Jean de Dieu Ndeisenga qui assurait la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.